je m'abandonne. Je prends tout ce que tu me donnes. Je sais que la nuit sera bonne. Avec toi, rien ne m'étonne. Dis-moi des choses. Vas-y, mets la dose. Ne changeons pas de pose. Rassure-toi, la porte est close. Ne te retiens pas. Dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Je veux que ce moment soit le plus beau. Oh, oh, oh. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Baby, faisons-le doucement. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Je n'ai plus ma tête à moi. Lorsque je suis dans tes bras, je te donne tout de moi. Ne te retiens pas. Entre nous, pas de tabou. T'as toujours su quoi faire pour me rendre fou. Je ne vais pas te mentir. Je t'aime à en mourir. Tu combles mes désirs. Loin de toi me ferais souffrir. Baby. Vas-y doucement. Surtout pas ton temps, baby. Faisons-le doucement. Doucement. Vas-y doucement. Surtout pas ton temps, baby. Faisons-le doucement. Ouais. À te donner corps et âme en entier. C'est la complicité entre nous. La machine est réglée. Tu embellis ma vie. Oh, tu es le soleil de mes nuits. Comment veux-tu que je t'oublie, toi qui m'as tant appris? À toi je m'abandonne. Je prends tout ce que tu me donnes. Fais-moi des choses. Vas-y.